Salut à toutes et tous et bienvenue dans cet épisode de Devil May Cry un peu particulier. En effet, c'est un épisode plutôt méta puisqu'il a pour sujet les remasters et qu'il en est un lui-même. Enregistré le 10 mars 2018, c'est par erreur que nous ne l'avons pas importé sur Radio Kawa en même temps que les autres épisodes de la première saison. Par erreur ou par chance, puisque l'épisode que nous avons enregistré ce mois-ci ne nous a pas convaincus et que nous n'avons pas encore eu la possibilité de le refaire. Nous vous proposons alors cette édition remontée de notre épisode sur les remasters, plus propre et avec des commentaires inédits de votre serviteur. Je vous souhaite bonne découverte ou redécouverte. Et c'est parti. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Devil May Cry, le podcast qui s'intéresse au développement de jeux vidéo d'un point de vue professionnel, ou presque, puisque ça commence à être une habitude. Je suis avec Floris, étudiant en troisième année de Bachelor Game Design option programmation à l'UFM 3D et au travail sur le projet Astreos. Bonjour. Également Marie, étudiante en troisième année de la licence pro jeux vidéo de Montpellier et au travail sur le projet Montpellier Discovery. Bonsoir. Guillain, titulaire du bachelor game artist d'Artefix et au travail sur le projet Arashi. Bonsoir. Pardon, j'ai donné un coup de pied de Marie. le lendemain de la journée des droits de la femme. T'en profites maintenant, c'est fini. Du coup, ce n'est pas tout, car nous recevons ce soir à nouveau des invités. Je vais y arriver. D'ailleurs, les auditeurs fidèles connaissent déjà l'un d'eux, puisqu'il s'agit de Mathieu Montreuil, qui était venu avec Marie Legrand lors de la première émission. Coucou Marie, au passage. Ils étaient venus nous parler du jeu qu'ils avaient développé avec leur équipe lors de la Global Game Jam. Rappelons que Mathieu est game designer, programmeur freelance et qu'il a travaillé sur des jeux tels que Chop Chop Ninja World ou Roller Coaster Tycoon World. Merci Mathieu d'avoir merci à nouveau à vous, accepté l'invitation. Ça fait toujours plaisir de venir ici. Ah, c'est très gentil. Un deuxième invité finira par arriver dans quelques minutes, mais voilà, on va commencer sans. Malheureusement, ça sera une petite surprise. Enfin, émission un petit peu particulière ce soir puisque j'ai eu le temps de rédiger mes notes au propre pour une fois. Bravo. Superbe. Merci. Émission particulière également car elle a été organisée en collaboration avec Amalgame que vous retrouverez juste après sur Radio Campus Montpellier. Pour notre part, nous allons nous concentrer sur les remasters, puis Amalgame prendra le relais et élargira le sujet aux remakes et aux reboots. Salut Nico. Ah, ouais, c'est le deuxième invité est arrivé, du coup on va la faire entrer et on va la présenter, du coup, patience. Vous savez quoi, avant je vais vous raconter une petite anecdote que j'avais avant que l'on commence, parce que les blancs à la radio c'est pas terrible, n'est-ce pas? Figurez-vous, j'ai reçu un message d'un ami juste après la diffusion du troisième épisode sur les pitchs et où chacun de vous présentait vos projets, mon cher chroniqueur. Et cet ami m'a dit que le projet sur lequel tu travailles, Marie Montpellier Discovery, oui. C'était lui qui l'a lancé lors de sa première année de master à Montpellier. Et en fait, il a laissé les rênes, puisqu'après il est parti étudier sa dernière année de master en Russie. Et en fait, c'est bon. Et ben, si t'as son contact, je voudrais bien lui en parler. Bien sûr. Pour voir ce qu'il comptait faire. Ah, d'accord, c'est intéressant. On fera ça. Alors en fait, il s'agissait de deux projets distincts, donc rien à voir. Et si vous voulez en savoir plus sur Montpellier Discovery et sa genèse, je vous oriente vers l'épisode 8 qui lui est consacré. Du coup, je te salue, Hugo. Virginie, salut. Bonsoir à tous. Tu vas bien? Bonsoir. Ça va bien, merci. Alors, Virginie, tu es 3D artiste, freelance, toi aussi. Oui. Tu as travaillé comme character designer sur Styx, Shards of Darkness. Actuellement, tu es character artiste sur un projet transmédiatique qui se nomme Hunting Grounds of the Great Spirit. Exact. À tes heures perdues, tu crées des assets graphiques pour Dota 2 et tu enseignes en plus les logiciels de 3D à l'UFM 3D. Exactement. Quelque chose me dit que tu ne dois pas avancer beaucoup sur les séries télé. Non, absolument pas. Très bien. Bon, bah, merci à toi aussi d'avoir accepté l'invitation. Mais pas de souci. Merci. Avec plaisir. Trop de gentillesse. C'est vrai. Voilà. Les remasters, du coup, c'est le sujet de l'émission. Alors, on va peut-être commencer par une définition. Qu'est-ce qu'un remaster? Puisque tout le monde n'a pas la même. Et on l'a d'ailleurs constaté juste avant de commencer cette émission. Si quelqu'un a une définition, qu'il y aille. Bah, je peux. Alors, pour moi, je pense pour aider nos auditeurs à comprendre nos discussions à venir, je pense que le plus important, c'est vraiment de faire la différence entre les remasters et les remakes. Et donc, d'après ma perspective à moi, hein, bon, peut-être qu'on en aura des différentes, mais donc les remakes, c'est vraiment où on va essayer de reprendre l'œuvre originelle, on la refait de A à Z. Et les remasters, c'est, je les résume par, en gros, on fait la version HD. Et donc c'est vraiment pour faire un gros coup de nettoyage sur l'œuvre originelle. Donc pour moi, il y a vraiment une différence d'envergure et de contenu. Mais après, bon, c'est vrai que je suis sûr qu'on va pouvoir trouver des zones grises entre les deux. Non, mais clairement, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, en faisant mes recherches, j'ai remarqué que globalement, les remasters, il y avait simplement HD dans le titre et avec un remake, il y avait un petit sous-titre pour dire que c'était une nouvelle version en fait. Mais alors, justement, Mathieu, quand tu dis qu'un remake c'est un jeu que l'on refait de A à Z, il se trouve que juste avant de commencer l'émission, on évoquait le cas de Shadow of the Colossus qui vient de ressortir sur PS4. Tout à fait. Là-dessus, le jeu n'a pas été refait de A à Z. Non, c'est vrai, il n'a pas été refait de A à Z. Alors, de mémoire, parce que donc, moi j'ai joué à la version originale sur PS2, celle sur PS3, mais pas encore celle sur PS4. J'ai suivi beaucoup celle sur PS4. Et donc, apparemment, ce qu'ils ont fait pour cette version sur PS4, c'est. Ils ont préservé la quasi-entièreté du gameplay. Donc tout ce qu'il s'agit vraiment de collision, de gameplay. Alors il y a des petites subtilités qu'ils ont mis à jour. Par exemple les contrôles spécifiquement, ça a été modifié, ça a été mis à jour. Mais donc il y a quand même une partie de ça qui a été conservée. Et après par contre les graphismes eux sont vraiment vraiment nouveaux. Alors pour cette version PS4 évidemment ils se sont inspirés des modèles originaux. Et il y avait d'ailleurs un super making of sur YouTube pour ça qui montrait les colosses. Comme quoi la version originale avait très peu de détails une fois qu'on zoomait un peu plus proche de leur visage et compagnie. Mais donc dans la version PS4 par contre là, eh bien on peut se permettre beaucoup plus. Et donc là ils ont dû non pas juste faire un petit coup de dépoussiérage, mais vraiment inventer plus de polygones, plus de textures, plus de fourrure aussi pour ces colosses. Donc c'est vrai qu'il y a une bonne partie de création quand même finalement. De création, certes, mais de création graphique finalement. Oui. Et c'est là que du coup, je ne suis pas d'accord avec les personnes qui considèrent que Shadow of the Colossus sur PS4 est un remake, ou encore que Crash Bandicoot Tensei Trilogy est une trilogie de remake. Alors, c'est pas ce que je vais dire, ce n'est pas parole d'évangile. Le sujet est assez sujet à débat. Hein. Moi, ma version, c'est que un jeu vidéo, ça se définit par son interactivité et que c'est le game design qui, du coup, est le plus important là-dedans. Et finalement, Shadow of the Colossus, si tu ne changes que les graphismes, ça reste Shadow of the Colossus, ça reste le même jeu. C'est vrai. Il y avait le cas de Wonder Boy, The Dragon's Trap, qui a été remasterisé l'année dernière. Alors, à la base, c'est Wonder Boy 3, The Dragon's Trap. Ils ont enlevé le numéro. C'est un jeu qui était sorti sur Master System, il me semble. Et il est ressorti l'année dernière dans une version toute neuve graphiquement, mais avec strictement le même contenu en termes de jeu et de narration. Omar Cornu, le créateur de la version remasterisée, avait du mal d'ailleurs à définir si son jeu était un remaster, un remake. Lui, il employait le terme de remaster cut. voilà. Intéressant. Pour compliquer. c'est ça. Mais le truc, c'est qu'effectivement, son jeu est plus proche d'un remaster, puisque en dehors des graphismes, c'est le même jeu. Mm-hmm. Voilà. Mais on est pile dans la zone grise, c'est parfait. Ouais, curieux, ton avis, Vincent ? Oui. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Comme ça, c'est bon ? Oui, c'est bon. Ouais, nickel. J'étais curieux sur certains types de jeux qui font un peu un remaster, sauf qu'ils rajoutent du contenu, genre un donjon de contenu ou quelque chose comme ça. Et du coup, où est-ce que ça se trouve dans la zone ? Je pense notamment à Catherine, il va recevoir un peu un remaster récemment, mais sauf qu'au milieu de deux personnages avec qui tu peux flirter, il y en a un troisième qui a une histoire complètement à elle, qui est à part. Et Persona 4 aussi, Golden, sur la PS Vita, c'était le même jeu que Persona 4, sauf qu'ils avaient rajouté un ou deux personnages en plus et un donjon en plus. Est-ce qu'on peut parler de remaster DLC ? Je sais pas. Effectivement, là, c'est un cas particulièrement compliqué, puisqu'il y a du contenu inédit, véritablement. Ce n'est pas juste des tweaks. Parce que, par exemple, j'imagine que dans le remaster de Crash, les sauts ont peut-être été légèrement retravaillés au niveau de la programmation, mais grosso modo, si tu n'es pas au courant, tu ne le sais pas. Là, il y a du contenu, effectivement, explicitement inédit. Pour moi, je ne saurais pas quoi de répondre. Ce que j'aurais dû répondre, et je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé sur le moment, c'est que Catherine Full Body, c'est un peu la même chose que Mario Kart 8 Deluxe ou que GTA V version PS4, One et PC. Ce sont des rééditions enrichies. Catherine Full Body sur PS4, c'est la même base que Catherine sur PS3 avec un scénario plus étoffé et un gameplay légèrement revisité. Mario Kart 8 Deluxe sur Switch, c'est la même base que Mario Kart 8 sur Wii U avec plus de personnages et un mode de jeu supplémentaire notamment. GTA 5 sur PS4, One et PC, c'est la même base que GTA 5 sur 360 et PS3 avec plus de missions, plus de joueurs en ligne, un mode FPS et de meilleurs graphismes par exemple. L'idée d'une réédition enrichie, c'est de justifier le rachat d'un jeu ou l'achat sur une plateforme en particulier en améliorant et ajoutant du contenu. Par exemple, la version PS3 de Tales of Vesperia, avec son contenu supplémentaire par rapport à la version 360, en faisait logiquement la plateforme sur laquelle prendre le jeu pour les gens qui avaient le choix. Bon, même si en l'occurrence, comme cette version PS3 était exclusive au Japon et que de toute façon personne là-bas n'avait 360, ce contenu supplémentaire était sans doute plus un moyen de faire passer la pilule pour les 1 an et quelques qui séparaient la sortie des deux versions. Du coup, ne tenez pas compte de la comparaison que je fais avec Resident Evil tout de suite après, même si la conversation que cela entraîne peut être trouvée intéressante. Mais je comparais du coup cette réédition de Catherine avec le remake pour le coup de Resident Evil qui était sorti sur GameCube en 2002, après ressorti sur Wii, donc là c'était une réédition. Là c'était un cas où le jeu avait les mêmes plans de caméra, etc. Mais il y avait véritablement un nouveau jeu, il y avait des nouvelles pièces, il y avait un nouveau level design, il y avait des nouvelles mécaniques de gameplay, des nouveaux graphismes. Ce n'était pas une repompée du premier jeu. En revanche, le Resident Evil qui est sorti sur PS4 en 2015, je crois, console de nouvelle génération, là c'était un remaster du remake du premier jeu. Voilà, puisque là c'était des graphismes entièrement nouveaux, mais c'était le même jeu, c'était la même structure que ceux qui étaient sortis sur GameCube. À part les graphismes, rien de nouveau. Sachant qu'ils ont fait un reboot après. Non. Parce que ils ont fait le. Ou alors non, pardon. Resident Evil 7, c'est ça ? Ouais. Alors je confonds, je sais plus le titre, mais c'est la version en réalité virtuelle. Oui, qui était sorti sur PSVR, compatible PSVR, pardon. Ouais, il me semble. Il change l'histoire ou il garde la même? Alors je l'ai pas joué, mais j'ai juste vu des let's play à mourir de rire où les gens ont extrêmement peur. Et en effet, donc ça complexifie encore. Je rajoute la série sur le gâteau après les remasters des remakes, on a aussi les reboots. Alors, pardon, tu veux rajouter Marie? Non, je t'en prie. Le jeu dont tu parles, c'est Resident Evil 7. Du coup, il conserve la numérotation canonique du jeu. Ce n'est pas un reboot dans ce sens-là, mais effectivement, il y a un retour aux sources, une revisite complète de la structure des Resident Evil à l'intérieur qui fait que c'est une porte d'entrée pour les nouveaux joueurs, contrairement à Resident Evil 6 qui est un petit peu plus compliqué d'y rentrer si tu n'as pas fait le 5 avant. Et Vincent, justement, par rapport à ce que tu dis, en fait, je vais rebondir dessus pour vous poser une question. C'est en fait, pourquoi il fait un remaster? Surtout, à qui s'adresse-t-il? Est-ce que c'est là pour faire plaisir à ceux qui ont déjà joué, pour qu'ils rejouent au jeu sous un œil plus neuf? Ou est-ce que c'est là pour faire redécouvrir le jeu à des jeunes joueurs qui auraient possiblement raté la sortie car ils avaient 4 ans à ce moment-là? C'est vrai que je trouve ça super intéressant. Je m'étais pas encore posé la question, mais je pense qu'on peut sûrement tous donner notre perspective là-dessus. Mais en tout cas, pour ma part, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais j'ai acheté plusieurs fois le même jeu à cause de ça, quoi. Donc c'est vrai que au final, je pense que ça s'adresse quand même, en tout cas en partie, à ceux qui ont déjà joué, parce que donc c'est vrai que c'est un public, en tout cas si le jeu est bon, on aura quand même tendance à dire ouais, c'est vrai que ça serait pas mal de le jouer en résolution 4K avec des super graphiques, etc. Et au lieu de dépoussiérer la PS2, c'est toujours sympa pour moi, quelques euros. Donc, dans ces cas-là, ça peut marcher, mais à mon avis, ça peut être pour d'autres publics aussi. Sûrement, par exemple, pour les Crash Bandicoot, je sais pas ce que vous en pensez. Tu veux y aller en premier ou... moi, ça dépend, je pense, du contexte de la sortie du jeu. Je pense notamment tous les jeux qui sont sortis sur Wii U qui sont en train de refaire des versions Switch. Je pense que cette situation là c'est plutôt parce que il y avait tellement peu de gens qui ont acheté la Wii U, ils se sont dit on va sortir une réédition Switch pour que les gens découvrent nos jeux qu'on a fait dans la génération d'avant. À titre personnel, je sais que par exemple là je viens de finir Wind Waker HD sur Wii U, donc là je l'ai acheté pour la nostalgie, mais par exemple The Last of Us que j'avais pas fait sur PS3, je l'ai acheté pour faire sur PS4 parce que je me suis dit voilà, c'est plus intéressant d'acheter une version HD. Donc je pense que ça s'adresse aux deux publics et que ça marche dans les deux cas. Vous voulez rajouter ? Non ? Il y a beaucoup de raisons de faire un remaster. Bon, pour les éditeurs, c'est assez... une raison assez mercantile, puisqu'un remaster ça ne coûte pas très cher à faire la plupart du temps. Il y a des exceptions. Ça ne coûte pas très cher à faire, et d'ailleurs on verra pourquoi avec Virginie, notre experte en graphisme, qui va nous expliquer la complexité qui se cache derrière ce type de production. Mais voilà, ça ne coûte pas forcément très cher à faire, en tout cas bien moins que de faire un Final Fantasy XV. Mais voilà, mais moi je trouve que c'est très intéressant de faire des remakes, des remasters, parce que basiquement ça ne choque personne qu'un film sorte en VHS, en Blu-ray, en DVD, en Blu-ray, et qui ressortent un jour en Blu-ray 4K. Oui. C'est... Alors, oui. Si je peux me permettre de surligner ça, le fait de sortir un film en Blu-ray 4K, etc., certes, c'est bien dans l'ensemble, parce que ça ne change que la qualité graphique en soi. Mais le fait, par exemple, quand tu prends un simple exemple, les Final Fantasy VII d'avant, et comme quoi ils vont nous sortir un remaster de Final Fantasy VII qui va être un jeu complètement différent... Là, on n'est pas d'accord du tout. C'est un remake. Donc oui, là, dans ce sens-là, voilà, il faut réussir à faire la part des choses là-dessus. Il y a Square Enix qui fait énormément ça actuellement. Ils ont fait ça avec Secret of Mana, où ils l'ont passé de 2D à la 3D. Ils ont fait ça avec Chrono Trigger, où plutôt que de reporter une superbe version qu'ils ont sortie d'un remake sur DS, bah ils ont pris la version iPhone qu'ils ont sortie et ils l'ont mise sur PC, qui est complètement naze en soi. je le cache pas, les sons sont horribles, et les graphismes avec des filtres pour éviter d'avoir les pixels, et au contraire ça fait des espèces de pâtés noirs. C'est, voilà, ça casse complètement le jeu en quelque sorte. Donc la vision d'un film qui est mis en plus haute qualité, ok, mais sans changer en aucun cas, ne serait-ce qu'un chouïa du gameplay, oui, dans ce cas-là, oui. StarCraft, le remaster qu'ils essaient de faire, ou qu'ils ont fait, qui est sorti récemment, où beaucoup des pros qui voulaient jouer au vieux StarCraft, c'était pour garder exactement toutes les limitations techniques du jeu d'avant, et pourtant, il y en a beaucoup de ces limitations techniques, c'était des bugs. Pour reproduire les bugs de l'époque, c'est un peu compliqué. Ouais, il y a ça, il y a aussi le fait de préserver la difficulté. Quand on regarde par exemple, je reprends sur le Chrono Trigger par exemple, sur Super NES, l'adaptation qu'ils ont fait après sur DS, ils ont gardé exactement la même difficulté, mais l'adaptation qu'ils ont fait sur iPhone et sur le reste, ils ont complètement casualisé le jeu pour toucher un maximum de personnes. Mais au final, c'est les anciens qui ont connu ce jeu-là, et au final, bah, c'est leur avis qui vont pourrir la vie des nouveaux joueurs qui vont venir après. Alors, avant que j'oublie, pour revenir sur StarCraft, effectivement, les bugs de l'époque font partie intégrante de l'équilibrage du jeu pour les joueurs aguerris. Du coup, effectivement, lorsqu'il est venu la question du remaster, il n'était pas question d'enlever certains bugs du jeu, bien au contraire, puisque voilà, les fans y tenaient. Par ailleurs, l'équipe de développement qui se chargeait du remake, enfin, du remaster, voulait ajouter tout un tas de statistiques, savoir combien de minéraux tu minais au fil de ta partie, etc. Et en fait, les fans leur ont dit mais non, parce que le suspense fait partie intégrante d'une partie de StarCraft, et on ne peut pas avoir connaissance de ces informations-là jusqu'à la fin de la partie. Surtout dans un jeu de stratégie, les informations que tu as, c'est très très important sur tes choix que tu vas faire. Mais du coup, est-ce que tu penses qu'ils ont dû recréer les bugs? Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, honnêtement. Ça aurait été probablement plus simple de reproduire l'effet du bug que c'est de refaire le bug avec un autre moteur. Déjà, je trouve ça un peu complètement débile de vouloir faire exprès qu'il y a des bugs dans le jeu. Oui. Ouais, mais c'est pour les vrais fans purs. C'est pour ça. On vous a fait un jeu, il est cassé comme vous voulez. Non, c'est parfait, c'est mon cassage préféré. Mais il y a de la beauté dans l'imperfection. Mais oui. Il y a des jeux aussi, effectivement, qui modifient le gameplay lors d'une remasterisation. C'est le cas, par exemple, de Beyond Evil HD, qui, en dehors des graphismes, ne modifiait pas grand-chose, mais, par exemple, à l'époque, sur PS2, sur console de 6e génération, vous aviez l'héroïne était équipée d'un lance-disque, et vous lanciez ces disques en appuyant sur Select. Ce n'était pas du tout pratique. Dans le remaster, vous appuyez sur une des gâchettes, il me semble. C'était beaucoup plus pratique dans Kingdom Hearts. Le premier Kingdom Hearts qui a été remasterisé. La caméra dans le premier Kingdom Hearts sur PS2, vous la faisiez pivoter avec les gâchettes L2 et R2. C'était vraiment pas terrible. Bah, évidemment, au passage sur PS3, vous aviez contrôle de la caméra avec le joystick analogique droit, ce qui était beaucoup plus intuitif. C'est l'occasion, effectivement, quand on fait un remaster, de corriger le gameplay. De corriger certaines choses. Parce que c'est vrai que peut-être que pour l'époque, de tourner la caméra avec L2 et R2, ça pouvait être un test en fonction pour s'adapter à la manette. Mais là, enfin, c'est tellement ancré qu'on tourne la caméra avec un joystick. Aujourd'hui, ça aurait été aberrant de mettre ça sur L2 et R2, quoi. Ouais. J'ai testé un jeu récemment qui avait ça encore. Je trouve ça très bizarre. Je le retrouve. Mais un vieux jeu ou un jeu récent? Ah non, un jeu récent, ouais, qui utilisait du coup les gâchettes de la manette de Xbox. C'était très bizarre. Mais après, enfin, des fois aussi, quand tu découvres des nouveaux jeux qui sont un peu, on va dire, dissidents, qui font pas, ouais, qui font pas pareil que les autres, des fois c'est, ça te perturbe, mais dans le bon sens. Par exemple, le dernier jeu qui m'a fait ça, c'était Lord of Fallen, qui est un espèce de Dark Souls Viking. Ouais. En gros, et en fait les coups se font sur les gâchettes avec en gros tes attaques avec ton bras droit et ta jambe droite, je crois, et se font avec R1 et R2, et la partie gauche se fait avec L1 et L2, ce qui est pas habituel pour un jeu comme ça où t'as l'habitude de taper tout ce qui bouge avec carré. Mais en fait ça te fait penser le jeu autrement, et du coup ça peut être sympa sur certains remasters. Je me demande si Assassin's Creed Origins reprend pas ça au niveau du gameplay. J'ai pas joué, donc je peux pas répondre. On tape avec les gâchettes aussi, mais c'est pas bête, hein. En soi, il me semble que non. J'y ai joué, je me rappelle même plus. Donc, je sais pas. Je sais plus si c'est lui ou un autre, mais il y en a un. Pour revenir sur la définition de ce qu'est un remaster, j'avais d'autres exemples parce que voilà, il y a des gens qui considèrent que Shadow of the Colossus PS4 est un remake. Parce qu'il se base sur l'aspect graphique. Effectivement, c'est évident que les graphismes du jeu ont changé, mais, contre-exemple, Kingdom Hearts, les rééditions qu'il y a eu, les graphismes ont été améliorés, mais ils n'ont pas été complètement refaits, loin de là. En revanche, ce qui a été refait, c'est les musiques qui, souvent dans les remasters, les musiques sont réorchestrées. C'est le cas Silent Hill, qui avait une collection de mauvaise qualité, de ce que j'ai entendu dire. C'était très mauvais, Silent Hill collection HD. Enfin, moi, je ne sais pas pourquoi, si quelqu'un a des infos là-dessus. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Par exemple, les musiques du premier Kingdom Hearts ont été réorchestrées par le groupe Gakudan, et pour ce qui était du deuxième jeu, c'était Video Game Orchestra. On ne considère pas que Kingdom Hearts HD 1.5 Remix et 2.5 Remix sont des remakes. Ce sont des remasters, tout le monde est d'accord là-dessus. Pourtant, les musiques ont été retravaillées. C'est un peu comme quand tu retravailles les graphismes dans ce cas-là. Enfin, oui, bien sûr, c'est la même chose. Musique, c'est exactement la même chose. Du coup, c'est ce que j'ai dit. On ne peut pas considérer que Shadow of the Colossus ou Crash Bandicoot sont des remakes si on ne considère pas que Kingdom Hearts est un remake, alors qu'il y en a un qui modifie juste les assets graphiques et l'autre les assets sonores. Je pense qu'on peut parler d'un remake dans ce cas-là si on change le gameplay et le scénario. Exactement, enfin moi c'est mon point de vue. Ouais, et plus le gameplay d'ailleurs que le scénario. Ouais. Après ça revient à un reboot. Exactement. Ouais. Plus on pousse la définition de remake, plus on arrive dans le reboot. Et après, pour continuer un peu là-dessus, je pense qu'aussi le remake, ça sort à un moment particulier dans la vie du jeu. C'est, pour moi, un remake, ça ne peut se faire qu'à partir du moment où il y a une nouvelle console ou un ordi qui est vraiment plus puissant. Une ou deux nouvelles consoles, carrément. Parce que, en fait, s'il y avait une nouvelle version sur la même génération de console, on pourrait plus parler d'une mise à jour qu'un remake, du coup. Ouais, c'est vrai. Je ne suis pas d'accord. tu peux faire un remake, vu que c'est le gameplay qui change. Le gameplay n'a pas besoin d'une nouvelle console pour être modifié. Tu peux sortir. J'ai dit remake, je voulais dire remaster, excuse-moi. Ah d'accord. Je voulais dire remaster en tout cas. On se mélange beaucoup, je crois. Oui, mais en même temps, il y a quoi. De cette conversation. Oui. Je pense. Mais pour revenir à ce que tu dis, je pense que. Je suis pas d'accord avec toi. Je pense que quand même un remake a une part de graphisme. Je veux dire, je me vois mal refaire un jeu si le gameplay a juste un peu changé, mais pas l'histoire. Donc dans ce cas, ce sera un remake sur la même plateforme. Je pense qu'il faut quand même toucher un petit peu du. T'es sûr du remake que... Tu voulais pas dire remaster ? Remaster. Non, remake. Je comprends ce que veut dire. Confusion totale. Dans le sens du remake, d'habitude, ils ont un peu un thème qu'ils voulaient faire passer avec un jeu. Et parfois le créateur ou les personnes qui ont les remakes en main se disent on veut recréer la même sensation mais avec les outils d'aujourd'hui, donc c'est ça. Ils refont un peu le design et le graphisme aussi pour essayer d'avoir les mêmes émotions mais avec les outils d'aujourd'hui en beaucoup plus flashy, etc. C'est vrai, et je vais même rajouter un petit peu là-dessus. En fait, moi ça m'aide un petit peu en fait à me guider entre remake, remaster, reboot, mais c'est vraiment de revenir à l'intention de design du départ. Et à partir du moment où cette intention-là a été modifiée, ça peut pas être juste un remaster, que je dise pas de bêtises. Pour moi, le remaster, c'est vraiment on essaye de préserver l'original avec une couche de peinture un peu plus fraîche par-dessus. Et le remake, par contre, peut venir toucher à cette intention de design du départ. Et donc il y a forcément des modifications un petit peu plus profondes. Après, bon, c'est là où les modifications, lesquelles exactement, bon, ça devient la zone grise. Et bon, évidemment, le reboot va venir en fait encore plus loin, va venir gratter dans l'intention de design principale et de dire oui, mais finalement on peut peut-être l'exprimer d'une autre manière. On peut, au lieu de faire un type de jeu sur écran standard, on va le faire en réalité virtuelle. Et là, tout d'un coup, en effet, c'est une optique complètement différente, même s'il y a évidemment une philosophie qui est un petit peu préservée. En fait, si je comprends bien ce que tu dis, c'est un peu comme si le remaster, il devait coller au plus proche de l'original et que le remake devait conserver surtout l'aura du jeu. Voilà, ouais, un petit peu, ça. Ouais. C'est là où je vois un peu plus de marge de manœuvre dans le remake, où on peut s'éloigner un petit peu plus de l'original. D'accord. Oui. vous savez quoi, parce qu'en fait, on a complètement flingué le conducteur que j'avais préparé. Donc, finalement, la deuxième partie de l'émission sera entièrement consacrée à la partie technique, et on va pas tarder à y passer. Du coup, on va conclure sur ces définitions. Pour moi, un remaster, et vous me direz quand j'aurai terminé d'expliquer tout ça, si vous êtes d'accord avec moi, un remaster, c'est une version techniquement modernisée d'un jeu déjà sorti. Alors, on peut citer Beyond Good and Evil HD, God of War Collection, que je suis en train de faire. Et alors, vraiment, God of War, je ne comprends pas le succès de cette série. The Last of Us Remastered, Final Fantasy X ou XII, les Batman Return to Arkham, qui d'ailleurs avaient reçu des critiques, puisque les couleurs du jeu avaient été modifiées entre les jeux d'origine sortis sur la 7e génération de console et la version remastered. Très important. Voilà, et c'est assez laid d'ailleurs, effectivement. Voilà, les Kingdom Hearts HD 1.5 et 2.5 sont des remasters de si. Il y a aussi des remasters plus, qu'on va appeler plus, voilà, c'est les Crash. Remaster Cut. On va ressortir voilà, ce terme. C'est les Wonder Boy, c'est les Halo Combat Evolved d'Anniversary, les Crash Bandicoot Insane Trilogy, mais qui sont toujours, selon moi, des remasters, vu qu'il n'y a que les assets graphiques qui ont été modifiés concrètement dans le jeu. À côté de ça, vous avez les remakes, qui sont des réécriture à la fois fidèle et différente d'un jeu déjà sorti. Là, je peux vous citer Final Fantasy VII Remake, effectivement, qui sera très différent en termes de gameplay de ce qu'avait été le premier jeu, puisqu'on passe d'un RPG tour par tour à un action RPG. Tomb Raider Anniversary, qui est sorti Anniversary, c'est après. Il est sorti en 2007 pour les 10 ans de la série, il est sorti sur PS2, 360 et PC, et c'était du coup une réécriture du premier Tomb Raider avec les graphismes refaits et quelques nouvelles mécaniques de gameplay aussi. Ratchet & Clank, sorti en 2016, qui était l'adaptation du film qui était c'est compliqué. Une réécriture du premier jeu, voilà. Et le Resident Evil, sorti en 2002 sur GameCube. Enfin, les reboots, qu'on ne va pas vraiment évoquer dans cette émission en dehors de cette définition-là, qui sont selon moi, des réécritures faisant table rase du jeu sur lequel ils se basent. Voilà, vous êtes plutôt d'accord ? Ouais, c'est bien. C'est bien ce que tu dis. Très bien. Bonne conclusion. Ah, j'adore. Très bien, vous savez quoi, on va s'écouter une pause musicale un petit peu particulière puisque je l'ai retravaillée sur Audacity avant de vous la proposer. C'est un mix de deux musiques. J'ai pris Mind of a Hero du jeu vidéo Wonder Boy The Dragon's Trap. J'ai pris une partie de la musique du jeu d'origine sorti sur Master System, il me semble, j'espère que je ne me trompe pas. Mais non, tu ne te trompes pas. Et celle sortie l'année dernière sur PS4, PC, Switch et compagnie. Vous verrez, la différence est assez intéressante et ça me permettra... Oui, alors juste avant de lancer cette pause musicale, l'une des difficultés... Pas des difficultés, l'un des défis un petit peu de... Voilà, je vais vous l'expliquer comme ça. Vous allez... Non, vous savez quoi ? On envoie la musique et on débrouille juste après. Ouais, juste après. Voilà. Super. Juste avant de passer à la musique, je vous présente une autre émission de Radio Kawa. Est-ce qu'il est possible de parler de Pokémon tout en abordant des mythologies, des cultures, des légendes et même des sujets scientifiques bien ancrés dans notre réalité ? C'est en tout cas le défi que s'est lancé Zenigame. Tous les 15 jours, il accédera à vos ondes pour vous parler d'une créature de poche issue d'un lointain monde qui est en fait le reflet d'une autre. Des Pokémon bien loin de ceux que nous connaissons mais qui ont le mérite d'exister. Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Pourquoi le Game Freak les a fait ainsi ? Voilà les questions auxquelles nous tenterons de répondre. Bref, rejoignez-nous pour découvrir l'immense bestiaire du Poké Freak Show tous les 15 jours sur Radio Kawa. C'était Mind of Hero de Shinichi Sakamoto, pratique si vous devez transporter des motos. Et, et Michael Gère de la des bandes sons de Wonder Boy, The Dragon Strap, l'original et le remaster. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous passer les deux versions dans la même pause musicale? C'est parce que voilà, si vous êtes compositeur de jeux et que vous êtes amené à travailler sur la remasterisation d'un jeu vidéo avec un son aussi c'est de la musique synthétique, hein, c'est des sons 8 bits, vous avez un travail d'interprétation énorme à faire pour retravailler cette musique là de même les graphismes des anciens jeux où il y avait finalement assez peu de qui étaient assez abstrait, il y a un énorme travail d'extrapolation, d'interprétation en tant qu'environnement artiste pour faire un remaster. Et c'est un travail qu'on a tendance à peut-être ne pas considérer et qui est intéressant de se rendre compte, je pense. Moi, je le vois beaucoup avec chaque fois qu'ils essaient de faire une nouvelle édition de musique de Final Fantasy. À chaque fois, je préfère toujours les vieux. Et il me semble que l'auteur avait des versions rock de chacun. Ou du moins, ils pensaient à des versions rock pour certains, et je les ai entendus, j'ai fait non, pas cela, non. Mais c'est vrai, j'ajouterais même plus pour Wonder Boy, c'est vraiment. Alors, j'y ai pas joué, mais je l'ai vu, et évidemment, parce que bon, j'ai fait un petit peu de recherche histoire d'être à jour, hein, mais, ouais. Mais je conseille à tout le monde d'aller voir ce jeu, parce que ce travail-là particulièrement est vraiment impressionnant. Alors, il y a une version sur Steam, très accessible pour tout le monde quand même, et de pouvoir comparer l'original qui a 3 pixels, et de pouvoir faire le saut vers ces nouveaux graphismes qui sont en effet, il y a vraiment un travail d'interprétation, d'extrapolation pour inventer autant autour de juste 3 pixels. Donc c'est impressionnant à voir. Ouais, mais pour le coup, des fois, enfin, je trouve que le remaster est pas forcément justifié. Par exemple, en faisant les recherches, j'avais l'exemple de Earthworm Jim HD. Je sais pas si je le prononce bien, mais en gros, avec le remaster, ça perd complètement la patte pixel art qui était genre magnifique, mais vraiment pour l'époque. Et avec le HD, on perd un peu le petit aura pixel art qu'il y avait à l'époque sur le jeu. Donc, après, c'est pas mal de voir le jeu autrement. Oh, ça te perd pas quand même la version originale. En pixel art, c'est compliqué de refaire un remaster quand même. En pixel art, je sais même pas si c'est possible. Moi aussi, c'est possible. Les artistes aujourd'hui, ils font des trucs assez magnifiques, et vu qu'il n'y a pas de limitation sur les machines, donc ça fait que tu peux explorer des palettes qui sont beaucoup plus grandes. Faire des sprites qui sont plus grands aussi, enfin tu peux changer le niveau de détail et garder du pixel art quand même. D'accord. En tout cas, ça souligne l'importance de comprendre la philosophie de l'œuvre d'origine quand l'on fait un remaster, puisque voilà, il faut ne pas se tromper sur la réinterprétation que l'on fait des graphismes, de la musique, également des bugs que l'on corrige, des mécaniques de gameplay que l'on décide de modifier. Hein. On a parlé de la caméra dans Kingdom Hearts par exemple. Bon, là, c'était une correction plutôt évidente. Et il y a des jeux, j'en ai pas là comme ça sous la main, où il y a des corrections qui ont dû être apportées. Peut-être Chrono Trigger, tu me disais, Virginie. Ouais, juste correction colorimétrique, la majorité. Ouais. Sinon, à part le filtre qui a été appliqué pour la version iPhone et PC, il n'y a pas eu de retouches particulières graphiquement. D'accord. Et ben justement, continuons sur les graphismes. Virginie, peut-être peux-tu nous expliquer comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on lift un jeu vidéo en fait dans le cadre d'un remaster Oui. En soi, relifter un jeu vidéo qui est basé sur du pixel art, un peu à la manière de Chrono Trigger qui a été faite, ou même de Final Fantasy IX par exemple, c'est un espèce de filtre simplement qui est appliqué sur le jeu de base. Donc ça consomme absolument rien en ressources, ça ne nécessite aucun travail particulier pour les graphistes, étant donné qu'ils mettent juste un filtre qui va permettre d'enlever l'aspect pixel et donner un aspect juste lissé, simplement. Donc malheureusement, cette technique-là, elle est beaucoup utilisée par Square Enix, ce qui fait que ça rend particulièrement mauvais le graphisme actuel. Et clairement, je te coupe deux secondes, ouais. C'est simplement que... étant dans des communautés de puristes de pixel artistes, ouais. Je peux te dire que juste le filtre, alors déjà ça fout de l'aliasing un peu partout sur les pixels et donc ça fait que tu perds le côté pixel art en plus. Oui. Donc il y a pas mal d'éléments qui sont de l'aliasing sur du pixel art. Ouais. Ah ouais, quand même. Non, mais en gros, si tu veux, ça crée des. En gros, en plus sur les remaster, ils font grossir les pixels. Donc ça fait qu'un pixel simple devient un bloc de 4 pixels. Et en fait, tu vas te retrouver avec de l'anti-aliasing entre les pixels, mais fait numériquement. Du coup, c'est mal fait par rapport aux techniques que tu as dans le pixel art. Du coup, d'accord. C'est vrai que le remaster est techniquement pas ouf. C'est juste un filtre technique sur le jeu, quoi. Ouais, exactement. Et la plupart du temps, cette espèce de filtre qu'ils mettent en place ne permet pas d'avoir d'unifier certains décors. Quand je reprends par exemple l'exemple de Final Fantasy IX, le filtre qu'ils ont mis, ils l'ont mis uniquement sur les personnages. Ce qui fait qu'ils ont un espèce de ils ressortent un peu du décor, ils ne sont plus du tout intégrés, ils ne sont plus du tout dans l'ambiance du décor. Mmh. Et ce qui fait qu'en plus de ça, les décors, ils sont filtrés encore autrement ou retravaillés, je ne sais pas exactement comment ils l'ont fait, mais ça rend encore plus mal, quoi. Donc c'est un aspect graphique au niveau du pixel art, en tout cas là-dessus, au niveau des retouches. En ce qui concerne, par exemple, par contre, la retouche graphique d'asset 2D en pixel art à un asset 3D, là c'est complètement différent. La chronologie au niveau des étapes là-dessus, ce sera de reprendre le concept de base qui a été créé par vraiment le dessinateur qui a... Lui, il ne va pas créer le pixel art, il va vraiment créer le concept, le dessin du personnage dans tous les détails. Et après, c'est l'artiste à l'époque qui a fait un pixel art en fonction du concept. Donc on essaie de reprendre un maximum le même concept, de le respecter un maximum. S'il y a des détails qui n'ont pas pu être mis dans le pixel art, ils le mettent. Sinon, ils le préservent le plus possible. Ça dépend après le résultat que l'on veut. Quand je regarde par exemple le remaster de Secret of Mana, les pixel art étaient très sympas, c'était vraiment l'ambiance. Hein. Pour l'époque c'était très joli, bon les couleurs étaient ultra flashy, mais voilà, c'est on aime ou on n'aime pas. Quand j'ai vu le remaster en 3D, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, parce qu'ils ont bien respecté les détails des persos, ils ont bien respecté aussi l'environnement, ils ont refait l'environnement semi-3D, semi-2D, et c'était franchement pas mal. Ils ont bien respecté tous les concepts. Mais... malheureusement, après, bah, ils ont changé le gameplay et ça a complètement détruit les filles, malheureusement. Parce que ça aurait pu pousser des gens qui ne connaissaient absolument pas le jeu à l'essayer, rien que pour sa difficulté et son histoire qui est particulièrement envoûtante. Et du coup, ça me fait penser qu'en fait, il y a un jeu qui reprend un peu tout ce qu'on dit là sur les remasters depuis tout à l'heure, c'est Evoland 1 et 2. Le jeu commence avec des pixel art 8 bits, voire en monochrome. Et au fur et à mesure de l'aventure, en fait, on débloque des nouveaux mondes qui évoluent dans le temps. On passe des jeux 8 bits aux jeux 16 bits, couleurs, etc. Et Evoland, tu dis ? Ouais, ça a l'air intéressant. Et à la fin, on finit en 3D. C'est un jeu de jam qui a été évolué. Ils en ont sorti 1 et 2. Et en ce moment, je crois que c'est le studio qui fait Northgard ou un truc comme ça, qui est un jeu qui reprend un jeu vampire, mais dans un univers viking. Donc, très bon studio à suivre. Je me demandais aussi, il y a des remasters assez similaires en termes de travail. J'ai l'impression, on prend un remaster HD basique comme Beyond Evil, Kingdom Hearts c'est deux bons remasters. Non mais ça m'embête de sortir l'exemple de Silent Hill puisque je l'ai pas fait, donc mais manifestement, il y a des remasters qui sont plus réussis que d'autres. Et alors, c'est quoi ? Il y a un filtre qui a été mieux appliqué Alors, graphiquement, après, c'est plutôt le respect des anciens graphismes. Mm-hmm. Pas spécialement un filtre, parce qu'un filtre, on ne peut pas le contrôler spécialement. C'est un petit peu le problème qui a été évoqué sur Final Fantasy IX. Mais principalement, on respecte tous les concepts un maximum. Et voilà, c'est ça qui va faire que le jeu est bien remasterisé ou pas du tout. Parce que... Attends, il y avait Floriste juste avant, je crois que tu veux dire quelque chose. Moi j'avais juste une question par rapport à quand tu dis genre certains remasters sont plus de succès que d'autres. Ouais. Je me dis tu te bases genre sur les ventes ou genre sur ce que la communauté dit dessus. J'ai pas parlé de succès, je crois que j'ai parlé de qualité. Ils sont mieux réussis, ouais. Ils sont mieux réussis. Voilà, non, je me parlais pas de succès critique ou commerciaux. Pardon, Marie. Oui, je voulais te poser une question là-dessus. J'ai vu The Last of Us juste avant de venir. J'ai vu le travail du coup qu'ils avaient fait pour le HD. Et par exemple, il y a des vitres qui étaient vraiment floues sur PS3 et là qui deviennent nettes et qui ont des reflets et tout. Et je me demandais si justement ils avaient dû refaire donc le vert, donc re-aller dans le jeu ou c'est juste un filtre. Alors en fait, ces changements, c'est sûrement, je me suis pas informée là-dessus, mais c'est sans doute un changement du moteur, une évolution du moteur de jeu qui a permis à avoir un nouveau matériel qui va faire cet effet de vitre en particulier, qui va donner un aspect beaucoup plus réaliste, ou plutôt que d'avoir une pauvre plane avec une texture à l'arrache dessus, qui sera vraiment moche. Donc là, c'est une évolution du moteur. D'accord. Dans le cas où ils évoluent de moteur, ils doivent quand même retravailler le code ou... Alors, niveau code, code en soi du gameplay, je ne pense pas du tout. Par contre, les codes qui vont créer les matériaux, oui, bien sûr. Là, il va falloir tout retravailler. Donc là, c'est quand même un travail un peu plus important. Quoi. C'est un travail plus important. Il faut savoir que créer un moteur de jeu, déjà, c'est extrêmement compliqué. Oui. Ça met plusieurs années pour un studio. Alors, le modifier et le faire évoluer tout en changeant en même temps les anciens jeux pour faire des remasters, là, c'est encore plus compliqué. D'accord. Merci. Également, une question que je me posais, c'était en fait, certains jeux proposent de passer d'une version à une autre, de la version d'origine à la version remasterisée. C'est le cas des jeux comme Wonder Boy dont on a parlé, Halo fait ça aussi, les jeux LucasArts, la plupart. Ouais. J'ai joué récemment Day of the Tentacle, c'est pas mal sur le Switch, ça marche bien. D'accord. Vas-y. Du coup, oui, quelle programmation se cache derrière ? Est-ce que tu en sais plus que nous, Mathieu ? Je peux pas répondre garanti à 100%, parce que j'ai pas travaillé sur cela particulièrement. Monkey Island aussi fait la même chose dans ces nouvelles versions. Mais par contre, j'ai au moins plusieurs pistes qui pourraient nous guider dans cette direction-là. Et c'est vrai que c'est quand même... déjà, premièrement, c'est impressionnant. Parce que dans tous les cas, justement, si on retourne sur Monkey Island, on est vraiment dans le cadre de... je joue, j'ai la version, la vieille version, toute pixelisée, avec tout son charme. Un petit bouton à appuyer, et hop, c'est parti, j'ai changé. Et justement, le fait que ce saut soit rapide, c'est vraiment très, très impressionnant. J'ai même vu la version, en fait, ils ont fait une version Monkey Island sur iPad, où pour passer de l'un à l'autre, il y avait juste à faire un petit pinch to zoom, et pioup, on sautait de l'un à l'autre. Et là, littéralement, c'est comme il n'y a aucun chargement, c'est forcé que les deux versions sont en train de tourner elles cohabitent, littéralement. Et pour cette situation-là, il y a plusieurs manières de le faire. Ça peut être vraiment, il y a disons qu'il y a une version master pour tout ce qui est collision, ce qui est comportement, mais par contre on va avoir vraiment deux skins, on va avoir vraiment deux peaux différentes pour le jeu, et on va pouvoir basculer de l'un à l'autre. Ça peut être une technique, ou sinon on peut vraiment dire on a littéralement deux fois le jeu qui roule avec deux, et je soupçonne fortement que ça soit ça pour Monkey Island pour plusieurs raisons, mais donc deux fois le jeu qui roule. Et on va basculer de l'un à l'autre avec le bouton. Et donc à ce moment-là, les collisions vont être légèrement différentes. L'interface va être aussi un petit peu différente. Il y aura quelques micro-différences aussi. Par exemple, dans certaines situations, dans Monkey Island, on le voit, la position du personnage n'est pas exactement la même. Au même endroit, par exemple, il est devant la maison, au milieu de l'écran. On switch, on va dans l'autre version. Ben là, la maison, en fait, elle est tout en bas de l'écran. Et donc la position du joueur qui est devant, elle va pas être exactement la même. Et on est obligé de faire le saut entre les deux. Donc on peut pas se permettre d'avoir une version des collisions, une version du code, et c'est fini, et deux versions du visuel. Donc là, en l'occurrence, je soupçonne vraiment qu'il y ait deux versions qui roulent en permanence et qu'on bascule de l'un à l'autre. C'est parce que ce type de jeu demande très peu de ressources au final, et avec les machines de maintenant... Oui. On peut en faire tourner 4, 5, 6, ça serait pas gênant. Quoi. Exactement, exactement. Et du coup, il y a une version iPad ? Exactement, il y a une version iPad de Monkey Island. Donc, Et sur tous les supports maintenant, on a les versions, les Special Edition qui sont sur Steam. Si je me souviens bien, c'est Monkey Island 2 qui est le meilleur. Donc, précipitez-vous. sur cette version-là. Mais c'est vrai qu'on retrouve, on discutait très rapidement avant l'émission, mais on retrouve, moi je soupçonne exactement la même technique dans d'autres cas de figure, justement comme Halo, qui a été ressorti en Anniversary Edition, je pense que c'était comme ça qu'il l'appelait. Oui. Et là, pareil, alors on voit que c'est des jeux un petit peu plus lourds quand même qui tournent, mais l'original, il tournait avec juste 512 mégas de RAM, donc un jeu léger quand même pour notre époque maintenant. Et si je me souviens bien, donc cette Anniversary Edition était avec maintenant 8 gigas de RAM, donc là, beaucoup plus d'espace. Et en effet, c'est aussi possible de faire rouler deux jeux au final et de basculer de l'un à l'autre. Mais après, du fait qu'il y ait deux jeux et que ça soit un jeu relativement complexe, on n'a pas un switch instantané comme dans Monkey Island. Très intéressant quand même de voir, c'est techniquement impressionnant. Bah merci. Et alors, une autre question que je me posais, c'était l'importance du code source quand on fait un remaster, le conserver précieusement et le conserver de façon intacte. Oui. Parce que par exemple, le premier Kingdom Hearts avait perdu son code source. Ils ont été obligés de le faire parce qu'ils devaient remasteriser toute la série. Mm. Surtout qu'il y a pour une franchise aussi scénaristiquement capillotractée que Kingdom Hearts, tu ne peux pas faire l'impasse sur l'épisode de base. Surtout que je pense qu'une des raisons principales des remasters de Kingdom Hearts, c'était qu'ils avaient mis tous leurs jeux sur plein de consoles différentes, parties. Du coup, ils devaient tout réunir dans une suite de sorties sur la même console pour qu'on puisse suivre tout d'un coup. Oui, tout à fait. Et du coup, quelle est l'importance de bien conserver son code source ? De manière générale, c'est super important. Faites des backups. On le dira jamais assez. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas exactement les mêmes pratiques pour conserver ces anciennes œuvres il y a des dizaines d'années, hein, pour certains de ceux-là. Monkey Island, ça commence à dater quand même. Et donc c'est vrai qu'on n'avait pas autant l'habitude. Alors après, c'est toujours au cas par cas, hein, en fonction de chaque œuvre. Je ne savais pas, par exemple, pour Kingdom Hearts, c'est vraiment très intéressant. Et ça fait mal au cœur d'ailleurs, mais c'est vrai que dans les rares cas où le code source est encore là, ça peut être une vraie chance pour les programmeurs en effet d'aller regarder. Mais il y a quand même une autre condition derrière ça, c'est que il faut avoir le droit. Simplement, il y a aussi le droit de licence derrière ça. C'est donc apparemment dans certains cas, justement, même si le code existe quelque part, on n'a pas forcément accès. Et c'est vrai que on se retrouve dans la même problématique que Kingdom Hearts, où il faut recommencer en finale à zéro. Puis, alors on peut avoir les œuvres originelles qui tournent, hein, sur la différentes plateformes à côté de nous, mais on va juste s'inspirer du résultat pour recréer ça à partir de zéro. Et puis pour les plus chanceux qui ont le code source et qui peuvent accéder à ça, là c'est vrai que ça peut être une mine d'or, parce que c'est vrai que par exemple, on mentionnait les bugs de StarCraft, très difficiles à recréer. Je pense que si eux avaient eu accès au code qui provoquait ces bugs-là, tout d'un coup, c'est une mine d'or pour dire « Ah, je peux vraiment être sûr à 100% que c'est ce comportement-là qui avait été provoqué. » Et donc là, on n'a pas à faire des suppositions en long et en large avec juste StarCraft qui tourne sur un PC à côté de nous. Et c'est beaucoup plus fidèle. Et du coup, si tu as accès au code source, concrètement, à quoi tu touches pour créer ton remaster ? Et quels sont les éléments que tu ne touches pas ? Je pense que peut-être qu'on pourrait... on va aller un petit peu plus dans le technique. Alors, c'est pas moi qui fais le remaster de Shadow of the Colossus, hein, mais je pense que c'est un bon exemple, parce que donc là, on a un personnage joueur assez clair, c'est un jeu quand même relativement connu. Mais là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont dû reprendre en grande partie l'œuvre originelle, mais ils ont dû modifier quelques petites choses au niveau des contrôles du personnage. Donc ça implique les contrôles de la caméra pour le joueur, et quand il est sur son cheval, j'ai oublié le nom de son cheval, mais c'est pas grave. Et donc, en l'occurrence, c'est vraiment... je ne sais pas s'ils avaient accès au code originel, mais imaginons qu'on est dans ce cas-là. C'est vraiment super, parce que donc on peut se dire, voici exactement comment le cheval se comportait. Voici exactement agro. Comment... Agro. j'avais Aro en tête, mais non, c'est pas ça. Et donc, on peut se dire, ok, le cheval se comportait exactement comme ça. Le cheval a vraiment un... une classe, un script spécifique qui lui appartient, qui va générer ces comportements-là, et on peut se focusser facilement là-dessus. Pareil pour le personnage joueur, on peut se dire, je veux exactement regarder les comportements de course du personnage, et afin de recréer ça, et peut-être de modifier un peu pendant qu'il fait sa course, on va altérer un petit truc. Mais au moins, justement, c'est très localisé, et on a moyen d'aller regarder ça et de mettre... une petite loupe et faire notre inspection au plus près en fait de la création originelle. Donc ça peut être en effet très très pratique. Après, à vérifier, je sais pas si eux, pour Shadow of the Colossus, c'est vrai que c'est au code source. J'ai l'impression qu'ils ont dû faire un truc dans le genre, que c'était très similaire, parce que même si tu prends les jeux qu'ils ont fait après, The Last Guardian, les physiques de quand ils s'accrochent et tout ça, c'est très très similaire à Shadow of Colossus. Du coup, je pense que le code, ils ont dû le garder quelque part pour le regarder. Peut-être, en effet, ouais, parce que c'est vrai que c'est quand même une série, entre guillemets, qui se suit, qui se ressemble beaucoup. Après, c'est vrai que malheureusement, les jeux sont quand même très éparpillés dans le temps. Alors, c'est vrai que The Last Guardian était un petit peu difficile, apparemment, comme production. Donc, c'est difficile à dire. Mais ça se peut absolument, ça se pourrait très bien qu'il se soit dit le système, justement, pour s'accrocher aux fourrures des colosses, est vraiment très intéressant, mais on va le recycler s'ils avaient accès au code. Marie, je vois que tu as une question. Oui, je voulais savoir, à ton avis, dans quel cas tu n'as pas accès au code source, puisque c'est la même licence qui produit le jeu? Pourquoi t'aurais pas accès au code source ? C'est vrai, très, très bonne question. Je pense que y a plusieurs... Alors ça, moi, c'est un peu ce qui me sidère, notamment, petite anecdote, j'aime beaucoup la bibliothèque de jeux PS2 et je trouve ça vraiment triste qu'il n'y ait pas tous les jeux PS2 qu'on ait accessibles sur les nouvelles consoles. Justement, un parmi ceux-là, SSX, un jeu de snowboard, ces vieux jeux-là ne sont plus jouables, à moins d'avoir une vieille PS2 qui marche encore. Mais donc, les PS2 marchent encore, c'est un tuyau quand on fait ça. C'est vrai. et donc, pour revenir sur ta question justement, mais je pense qu'il y a vraiment des problèmes de licence, parce qu'en fait c'est pour des cas comme ça, c'est pas juste une partie prenante, mais il y a plusieurs organismes. Alors il y avait le publisher, il y avait aussi le développeur, et des fois on tombe dans des cas où le développeur, il n'existe plus et on peut pas avoir le raccord à cause de ça. Donc alors, même si par exemple, je pense que SSX, si on regarde ça, disons qu'ils veulent faire un remaster de ça, ils devraient demander à EA Big, qui n'existe plus en ce moment comme je sais pas si c'était une vraie entité, et j'imagine que c'était eux-mêmes, peut-être le publisher en l'occurrence. Mais donc on peut plus vraiment contacter cette entité pour dire c'est à vous que ça appartient le code source légalement, mais à qui on fait affaire maintenant, quoi. D'accord, donc c'est le publisher qui décide de faire un remaster ou pas dans ce cas-là. Mais donc non, et j'aimerais bien, s'ils nous écoutent, faites-le absolument. Quelqu'un chez EA, il faut le faire. Effectivement, la question du droit, c'est ce qui va faire aussi parfois que ton remake va coûter que dalle à produire ou bien va coûter une blinde. En ce qui concerne Wonderboy, par exemple, ça a été plutôt facile. En fait, c'est Omar Cornu qui voulait... lui, l'idée, c'est qu'il connaissait un petit peu via Facebook le créateur du jeu dont j'ai oublié le nom, un japonais. Je crois qu'il a simplement envoyé un message pour demander s'il pouvait réutiliser. À la base, en fait, il cherchait, vu qu'il est fan du jeu, il cherchait à avoir accès au code du jeu pour voir s'il y avait des secrets qu'il n'avait pas découverts en tant que joueur. Et en fait, en étudiant le code, il s'est dit, tiens, ce serait sympa que je fasse un remaster. Il l'a fait. Et en fait, à la base, donc il a eu l'accord il a obtenu le code source comme ça, il me semble. Mais après, il ne pensait pas utiliser le nom de la licence Wonderboy, qui est la trademark appartenant à Sega. Finalement, il a contacté Sega et il se trouve qu'il a eu la trademark. Ceux qui ont fait Monster Boy, qui était un projet qui était développé à peu près en même temps, là, c'est une suite spirituelle de Wonderboy. Et eux n'ont pas obtenu la licence Wonderboy. Je crois qu'ils ne l'ont même pas demandé, à vrai dire. Alors, tandis que la trademark était à Sega, la propriété du jeu Wonderboy 3 qu'ils ont remasterisé était du côté de chez Weston, les développeurs originaux du jeu. Parfois, c'est un petit peu compliqué d'obtenir les droits d'une licence. Là, ça allait. En ce qui concerne Baldur's Gate Enhanced Edition, là, il me semble que ça a été beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, c'est un remaster qui a occupé... qui a été fait sur 2 ans, qui a occupé 15 personnes, qui a été, je crois, qui a coûté très très cher à produire. Faire un remaster, c'est pas forcément évident au niveau des droits, et pourtant ils sont essentiels du coup pour pouvoir le faire tout simplement. Très bien. Est-ce que tu crois que j'aurai le temps pour une dernière question pour Virginie ? Vas-y, dépêche-toi. Alors, c'est simplement pour te poser la question par rapport, on a parlé un peu du code, et concernant les graphismes, je voulais te poser la question, où est la place à la créativité quand tu fais un remaster ? quand tu refais les graphismes, les mouvements, quelle est la place à la créativité? Ouais, la place à la créativité, dans tous les cas, ne sera pas vraiment graphique dans le sens aspect du personnage, étant donné qu'il y a quand même un respect du concept à faire, sauf si la direction artistique a jugé que le concept du personnage n'avait pas une silhouette suffisamment prenante ou intéressante ou lisible également. Donc dans ce genre de cas, il y a une modification de la silhouette et donc un retravail complet du concept. Mais mis à part le moment où on peut retravailler le concept, si le concept doit être absolument préservé, dans ce genre de cas, ce sera plutôt au niveau du comportement du personnage, de ses animations. Le fait qu'il soit très rigide parce que c'est une personne qui est dure d'esprit, qui est plutôt énervée ou stressée, ou alors lui donner un autre sentiment au travers de ses animations, comme quoi il va être plus d'humeur joyeuse, plutôt souple, plutôt d'esprit à rigoler, ou ce genre de choses. Mais il y a quand même, lors d'une création, un respect de l'état d'esprit du personnage. Le personnage, il a une histoire. Et il a aussi des caractères, des traits de caractère à respecter pour faire en sorte que ça colle aussi avec le scénario. Donc, il y a une très faible marge pour faire de la créativité sur un remaster, malheureusement. D'accord, mais elle existe quand même. Elle existe, ouais, légèrement. Ah, c'est beau. Est-ce que quelqu'un a des recommandations en lien avec le sujet? Des recommandations en jeu remasterisé? Non, de... Jouer à tous les jeux LucasArts. Absolument. Ouais, je pensais plutôt, je vais donner mes exemples. Par exemple, Wonder Boy, les développeurs de Wonder Boy, donc Lizard Cube, ont fait des dev diaries disponibles sur YouTube, qui reviennent du coup forcément sur la création de ce remaster. Vous avez également, alors ils ont été très prolifiques là-dessus, Omar Cornu a donné des interviews dans à peu près tous les podcasts francophones. Il me semble que le remaster de Chrono Trigger 3DS aussi. Ils ont 3DS, fait des, oui, il a vraiment été excellent. Ils ont fait des, ouais. Ils ont fait des interviews dessus, mm-hmm. ils ont parlé de comment ils ont fait. Mm. Surtout que par rapport à la version Super NES de Chrono Trigger, lorsque cette version est sortie, c'était la version de base, mais il n'y avait pas les cinématiques qui ont été créées par j'ai oublié son nom, le graphiste. Il n'y avait pas les cinématiques qui ont été faites par cette personne, et ils les ont intégrées dans la version 3DS, qui a donc rajouté du contenu, entre guillemets, qui a donné encore plus le jeu beaucoup plus intéressant pour cette occasion. Mis à part ça, moi personnellement, ce que je conseillerais, c'est de, par exemple, il y a un jeu qui est très peu connu parce qu'il n'était pas sorti du côté français, c'était La Mulana, qui est un vieux jeu qui est sorti, il me semble, que du côté du Japon. Extrêmement difficile au niveau du gameplay, mais vraiment, on met plusieurs jours limite à s'habituer au gameplay. Le personnage est très compliqué à contrôler. Mais ils ont fait un remaster graphique de ce jeu qui est à couper le souffle, parce qu'ils ont non seulement gardé l'aspect pixel art, mais avec, au lieu d'avoir du 8 bits, vraiment trois pauvres couleurs pour faire un monstre, ils ont vraiment bien retravaillé le truc. Et le jeu est entièrement respecté niveau scénario, niveau difficulté et niveau gameplay. Super. Avant de se quitter, je vais demander à chacun s'il a une actu ou quelque chose à nous communiquer, en commençant du coup par ma gauche, Guillain. Non, pas spécialement pour cette émission. D'accord. Sinon, dis-nous tout simplement où on peut retrouver une page Facebook pour Arashi. Vous pouvez retrouver ce que je fais en tapant Arashi le jeu sur Facebook et suivre l'actualité du développement. Mm-hmm. Voilà, simplement, pas plus. Virginie. Bon, moi, j'ai pas grand-chose à dire, mis à part peut-être un petit coup de gueule là-dessus. C'est toujours restant basé un peu sur Chrono Trigger, mais aussi donc Square Enix et un autre auteur qui est Nintendo. J'espère vraiment qu'ils vont être beaucoup plus souples et beaucoup plus ouverts à la communauté, parce que quand on pense à Chrono Trigger, où il y a un fan qui a fait une suite de ce jeu à couper le souffle, qui était vraiment très respectueux du scénario de base, et que Square Enix l'a menacé de procès pour pas qu'il sorte son jeu. Et au final, Square Enix, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste fait des remasters, et puis ils ont même pas cherché à faire une suite à ce jeu, alors qu'elle est demandée depuis très longtemps à la communauté. Ça a été pareil pour des jeux Nintendo qui ont eu exactement le même comportement. Donc j'espère très fortement que ces éditeurs et ces développeurs vont changer rapidement d'avis. C'est là où on voit que Sega est un peu plus sympa avec Sonic Mania. Oui, oui, c'est clair, c'est vrai. On va... j'en étais où? Chrono Trigger. En fait, je fais un signe à la technique. En fait, je ne sais pas faire deux choses en même temps. Donc, dis-toi, je parle à la technique, je ne sais plus ce que je veux dire. très bien. Oui, Virginie, il me semble que tu as une chaîne. Tu fais des vidéos sur Internet. Ouais, j'ai une petite chaîne Twitch pour m'amuser un petit peu, que ce soit de la création d'objets en live ou alors juste pour m'amuser avec quelques jeux ou des jeux VR aussi. Qui est cette chaîne? Cette chaîne, c'est sous mon pseudonyme qui s'appelle Celt, C-E-L-T-H-S. Vous pouvez facilement me retrouver sur Facebook et Twitter également, et sur Twitch, voilà. D'accord. Floris? De mon côté, on a une journée porte ouverte ce samedi. Oui, je confirme. Oui. où du coup, il y a des gens qui pourraient tester notre projet s'ils sont intéressés, à IUFM 3D. Qui se situe juste en face de l'aréna de Montpellier, si je veux. En face de Parc Expo. Ouais, du Parc Expo. Ouais. Mathieu. Eh bien, je vais faire court. Vous pouvez retrouver mon Twitter facilement. C'est matmontre, M-A-T-M-O-N-T-R-E. Et voilà, c'est tout. Je vous retrouverai là-bas. Marie. Je voudrais juste dire que je suis contente de dire qu'on a gagné un challenge. Donc, Corscope a gagné le challenge de numérique à Montpellier hier. Et vous pouvez nous retrouver du coup sur Facebook à la page Montpellier Discovery. Bravo. Et oui, félicitations. Merci. Bravo. Très bien. Ben, tous les liens dont on a discuté dans l'émission sont à retrouver dans la description du podcast. Vous pouvez suivre les pages Facebook et Twitter de Devin Retry pour ne rien louper ou nous contacter. Merci à Arnaud qui est tête à la technique et merci à son stagiaire qui a pris le relais. et merci encore à Virginie et Mathieu d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Merci à vous. Merci. Tout de suite, c'est Amalgame qui va compléter le sujet des remasters en élargissant au remake et au reboot. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Deux fois par mois, Yann et Tim vous font découvrir ou redécouvrir une sélection de 5 morceaux selon leur écoute du moment ou des morceaux qui les ont marqués. Des morceaux connus comme des moins connus, des morceaux récents comme des plus anciens, des morceaux qui font bouger la tête comme des plus calmes, bref, il y a de tout dans l'interlude. On ne se limite pas, que vous ayez 10 ou 110 ans, que vous soyez mélomane ou simple curieux, que vous sachiez chanter un accord majeur 7 ou non, il y en aura pour tous les goûts. Dans l'interlude, on écoute des morceaux, on en apprend plus sur le contexte de création de ces morceaux, on discute. Allez donc faire une pause et ouvrez vos oreilles avec le podcast de découverte musicale Interlude sur Radio Kawa.